C'est toujours bête. C'est ça le but de cette instruction. C'est ça. C'est bon, on est en train de... Comme elle, elle commence à se mettre à l'écoute. Il y a une pensée qui passe dans la tête, elle est saisie. Passe dans la tête, elle est saisie. Quand une pensée qui passe dans la tête, c'est la même. Vous ne pouvez pas saisir, tant qu'elle n'est pas assez claire, vous la saisissez. Des fois, d'écoute, il n'y a rien. À ce moment-là, il n'y a rien. Ouais. Mais il y a toujours quelque chose. Parce que tu penses durant la journée. Vous êtes encore au stage où vous pensez. Tant que vous êtes au stage où vous pensez, c'est parce que vous êtes pas capable d'écouter. Parce que quand tu es à l'écoute, c'est parce que tu es capable de moins penser. Il y a deux façons de penser. Penser subjectivement ou être à l'écoute. Plus ça va, ben, plus moins tu penses. Plus tu es à l'écoute. Plus ta tête vite, plus tu es à l'écoute, plus ta tête parle, plus tu parles, plus tu parles. Ils disent quelque chose. C'est parce qu'on doit passer de la conscience personnelle à cosmique, communautaire, donc j'ai deux mots, collectifs. La conscience universelle? Oui. La conscience universelle, c'est dans les têtes. Mais non, mais il dit que, avec ce que tu viens de dire, là, oui. Face à la madame, là, oui. Il dit qu'elle se bat présentement entre les deux. En quoi? En ça. Sa conscience, oui. Personnelle et la conscience. La conscience sociale? Oui. Ah, on va pas parler de la conscience sociale. Je ne suis plus de la conscience personnelle. Je veux savoir qu'est-ce que c'est. Ah, ça, tu. Tu découvres quand tu l'as. C'est ça que l'affaire de l'être à l'écoute, c'est bien important. On met l'être à l'écoute, c'est les poteaux négatifs, c'est les positifs, c'est pas pour peut-être on le sait. Ça fait toute partie du processus. Il n'y a pas de formule magique dans la conscience universelle. Dans le supplémentaire. Il faut qu'on passe toutes par des étapes pour aller vers ça. Parce qu'on en arrive tout. Toi, c'est une façon, et c'est une autre, et c'est une autre, et c'est une autre, et c'est une autre. Elle nous raconte que j'en sais, tu vas voir que je te dis. Il n'y a rien à savoir. Éventuellement, tu fais bien les affaires. Les choses se comprennent, ils savent. Regarde pas. Ah, OK. Mais il y a des choses dans la perspective qui doivent être défaites. Qui doivent être défaites. C'est au stage, et là, nous, sont en train de défaire la perspective, de défaire, C'est un peu comme un. C'est un peu comme une femme qui fait quelque chose au roi, avec des fils, qui sont en train de faire des fils. Vous avez vu la personnalité, c'est ce qu'ils font. Ils défont les fils, puis ils défont les fils. Autrement dit, tata. Mais tata, il en contient un autre. Il en contient un autre, derrière. Ah ah, c'est ça. Mais très souvent, la résistance qu'on apporte aussi, c'est souvent celle de penser que c'est rien que des forces négatives qui peuvent jouer. Quand on va chercher le maximum de positif, on se branche plus sur le plus positif que sur le négatif, ça laisse beaucoup moins d'emprise aux forces du mal de William Zachary. C'est ça qui amène les gens à la folie, c'est ça qui amène les gens à la conscience. Le chemin qui va à la conscience supplémentaire, c'est le même chemin qui mène à la folie. C'est la différence que faire la folie, tu vas par le biais du corps astral, parce que au supplémentaire, tu vas par le biais du corps mental supérieur. C'est la même chose par quand même? Il dit que c'est le même chemin dans ce sens qu'à un certain moment, tu vis la frénésie de la polarité. La folie, c'est la frénésie de la polarité. La frénésie de la polarité, c'est bon, comme une girouette. Les gens qui s'en vont vers la folie, par le biais de l'astral, s'en vont, ils vivent la frénésie. Les gens qui s'en vont vers le supplémentaire passent à travers l'astral, passent à travers la frénésie, puis éventuellement, on arrive à vivre le calme du mental supérieur, où il n'y a plus positif ou négatif. On l'a dit tout. Des fois, on a l'impression qu'on craque. On a l'impression qu'il y a quelque chose de craqué. C'est un petit peu de folie. Ça marche pas une folie. Ils sont cochons, mais ils savent que c'est des enfants. C'est pas parfait. Ils sont cochons parce que c'est l'expérience humaine. Dans les gens, c'est des cochons, des enfants. Pourquoi je parle de même? Pour vous faire réaliser, d'abord pour vous faire réagir, pour vous déspiritualiser la forme, puis pour vous rendre objectif à eux autres. C'est pour ça que je parle de même. J'ai hâte de parler de même, c'est pas possible. Mais je te peux le faire. J'aimerais ça que tu répètes les trois choses. Tu parlais de la colonne vertébrale il y a quelques temps, avec trois canaux. Le balai psychologique. Ok. Quand on est de base, ça veut dire. Quand on est psychologique, tout ça veut dire. Faire ce sentiment de devoir protéger nous autres des autres. C'est un. Tu changes le cercle de connaissance, mais tu as l'impression d'éventuellement que tu t'en fasses vraiment une protection. Parce que il y a deux raisons. D'abord, parce que les autres sont fatigants. Deuxièmement, c'est parce que il n'y a pas d'équilibre vibratoire entre les deux. Il y a un équilibre vibratoire. C'est eux qui l'ont, les autres n'ont pas, t'attends qu'ils l'aient. Tu as l'air super, peut-être, tu peux avoir la paix. Tu peux aimer bien du monde, faut que tu prennes pareil. Mais ça, je l'aime bien gros. Je ne voudrais pas l'avoir dans la même maison tous les jours. Je l'aime, mais ça. Mon chat, croto, t'es non. Je ne travaille pas avec les autres tous les jours. Parler. Je peux dire ça, parler. Quand je ne veux pas parler, c'est cher, je me mets ça. Je suis misère. Pourtant, il est là. Il est faut que je me protège. Parler. C'est libre à toi. Peut-être que je me sers, tu comprends. Pas de regarder dans les yeux. Lui, il est censé, pour balancer, pas m'achaler tout le monde, ça vient pas de vous, ce que je dis. Je ne veux pas t'achaler. Non, pas. Pour vivre avec du monde 24 heures par jour, pour soit tourné à ta vibration. Si on pas tourné à ta vibration, tu ne peux pas, même si c'est un meilleur. Ça ne t'arrêtera pas de parler. Vous allez voir un jour que tu ne peux pas éduquer le monde quand tu veux. Viens, t'as. Tu peux pas. Moi, si j'ai moins vraiment quelque chose à faire à la maison, que j'ai de la visite, c'est final, Charlie, je ne fais plus rien. Ta visite, là, tu passes avant tout. On va parler de l'homme. Oui, oui, bref. Ben, ça, c'est fini. On va faire quand même du cru. Je ne sais pas. Hello! Peut-être que tu veux te faire. Ah, il n'est pas vu le téléphone. Non. Tu sais, j'ai envie de faire la porte. Croteau, il est dans sa dadelle, c'est une bonne vie. Il est dans sa dadelle, c'est une bonne vie. Penses-tu m'arrêter pour regarder Croteau dans la rue? C'est final. Continue mon chemin. Croteau, il est dans un petit café. Tu fais tes rangs dans le genre, on va prendre un petit café. J'ai une vue. Vous dites, continue. Tu dis, tu as dit que c'est que je paye ici. Le gars, c'est pas le temps. Hein. Pas trop, là. L'affaire de l'occulte, l'affaire de la personnalité occulte mâle, de la personnalité occulte femelle, c'est extrêmement important. C'est parce qu'il dit que ça détermine la possibilité de deux êtres de vivre dans la lumière en bas. Si moindrement des forces grandissent, c'est vibratoire. S'il change l'octave, puis change, il viendra un point où vous ne serez pas capable de vivre un avec l'autre.

Elle va en prendre des années de temps qu'elle va en prendre. Il y a des femmes qui en prennent depuis des années de temps, il y a des femmes qui sentent depuis des années de temps. Un jour, le mari commence à sentir parce qu'il commence à voir, à percevoir certaines choses. Il y a un temps où une femme n'est plus capable d'en prendre. Souvent, il y a des conditions de vie qui empêchent qu'une femme aille dans, son, dans sa direction et que l'autre dans, aille dans l'autre, son autre direction. Il y a toutes sortes de raisons complexes. Et si une femme comprend beaucoup de choses, puis qu'elle n'est pas capable de faire de se faire valoir en tant qu'aide dans un ménage, elle va fermer sa gueule, elle va prendre son trou, mais elle va continuer pareil intérieurement, puis intérieurement. Puis ce qui arrive éventuellement, c'est qu'il n'y a plus de dialogue entre elle et l'homme possible. Il n'y a plus de dialogue. Puis quand il n'y a plus de dialogue entre un homme et une femme, qui sont tous les deux dans leur cul, parce qu'il y en a un qui se prend sérieux, à ce moment-là, lui, il va passer un champ capable. Parce qu'ils vont être au bout de le cleaner. Ils vont le cleaner, puis ils vont le cleaner, puis ils vont le cleaner, puis ils vont le cleaner. C'est orgueilleux, un homme. C'est pétu, un homme. Un rare. Puis une femme, c'est pas orgueilleux, puis c'est pas pétu. C'est bon, c'est sensible. Fait que ça prend toujours l'autre côté du monde. Mais dans la vibration, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Vous allez voir quel bord qui va le manger tout à l'heure. Les gars qui sont trop poignés dans leur mental, là, puis qui s'imaginent, ou dans leur astral, puis qui s'imaginent qu'ils sont, que les autres savent tout, puis la femme sait rien, puis qu'ils sont pas capables d'échanger avec leur femme, un jour, vous allez frapper un mot au nœud. Comment ça fait pendant 15 ans, ils vont vous accrocher. Puis autant vous le mettre plus loin, plus proche. Parce qu'à ce moment-là, c'est plus la personnalité de la femme qui rentre, c'est la vibration dans la femme qui rentre. Puis quand ça marche, vous demanderez ça là, à la belle enfant qui s'égarie. Quand une femme se dégaine, comment elle s'est dégainée, elle? Le gars qui va la mettre dans, qui va la mettre dans une cage, il n'est pas venu au moment. L'esprit, c'est fort. L'esprit, c'est au-delà de la personnalité. C'est ridicule, la personnalité. La personnalité, c'est ridicule. Totalement ridicule. Ça ne va pas la merde, la personnalité. C'est totalement contaminé. C'est totalement contaminé. C'est pas réel, la personnalité. Les gens n'ont pas de personnalité réelle. C'est des fronts qu'ils ont. C'est tous des devantures de magasins. Il y en a qui ont des gros seins, il y en a qui ont des belles jambes, il y en a qui ont des grosses intelligences. Vous avez tout quelque chose. Ça, c'est votre personnalité. Il y en a qui sont cute. Il y en a qui sont riches. Il y en a qui sont... Tout ça. C'est minou? C'est minou, tu bon, tu veux faire? Nos personnalités, qu'on n'est pas capable de s'imaginer qu'est-ce que c'est vivre en dehors de nos personnalités. On n'est pas capable. C'est tough. Ouais, en dehors de nos personnalités. Mais c'est dur de vivre en dehors de soi-même. Faut pas vivre en dehors de soi-même, faut vivre en dedans de soi-même, pas en dehors. Ben oui, mais je veux dire, tu dis vivre en dehors de ta personnalité. Pour nous autres, ta personnalité, moi, en tout cas, je la représente comme tout mon être, dans un sens. Je veux dire, c'est ce qui fait que je me lève le matin, que je vais travailler, puis que je suis de bonne humeur, ou que je suis maligne avec les gens, ou que je suis sociable, ou que je ne suis pas. Ben, mais ça, c'est ta personnalité. Ben, mais... Quand tu vas dans toi-même, tu ne vis pas au niveau de ta personnalité. Ben, je sais que ta personnalité, ça ne se fait pas de même. Non, ça ne se fait pas de même. Je vous explique, je vous parle. C'est une vraie contamination. Moi, j'ai expliqué quelque chose à Carmel il y a bien longtemps, quand on s'est rencontrés. Si je n'avais pas expliqué, aujourd'hui, tu es encore poigné dans ma vente. Aujourd'hui, il n'est pas poigné dans ma vente. Il est bien. Quelque chose de personnalité. Il y a un homme qui est occulte, qui a une forte personnalité, c'est pas un cadeau. Ça va qu'ils ont des affrontements ou des personnalités qui vont aller. Ils vont en avoir, définitivement qu'ils vont en avoir. Je vous garantis qu'ils vont en avoir. Ça fait quand ça fait. Bah ouais, bah ouais. Tu rencontres des gens, on rencontre des gens, c'est 20$, j'ai envie de les arracher les yeux d'en face, puis aimer, il y a tout ça, là, tu sais. Pour que je m'artiste, comme tu retiens un chien enragé, c'est pas des passes, par contre. Ouais, mais ça, c'est pas pareil.

Une fois, je m'ai fait accrocher par le gars, ça allait, je m'ai fait donner un coup de poing. Ma femme est enceinte dans ce temps-là. Puis je le savais, il me l'avait dit après-midi. Il m'a dit, ah, tu vas avoir un coup de poing aujourd'hui. Donc, je vivais avec la tension de ce coup de poing-là. Pendant des heures. D'un coup, je marche avec ma femme et un ami. D'un coup, il y a trois jeunes hommes qui passent. Après un petit peu de bière. Il y en a un qui passe et il me donne un coup de poing. Je suis tombé à terre. J'ai pas du connaissance. J'étais conscient, mais j'ai pas du connaissance. Au niveau de mes sens. Fait que, là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Il dit, reste là. Ton égo est en plein de maudite claque. Nous autres, on est des hommes. On est des pétés. On est supposé être fort. Tu es supposé protéger ta femme. T'entends ta femme qui crie, là, puis elle appelle la police. L'autre yo-yo en haut qui dit, reste là. Grouille pas. T'es bien, là? Grouille pas. Parce que si tu fais bien, il va te descendre encore. Fait que tu restes là, là, comme un beau sans dessin, là. Puis faut que tu sois neutre. Il dit, c'est important, cette expérience-là. Faut pas que tu vives. Il y en a un moyen. Après ça, il rebalance. Il crée une autre situation, c'est toi qui donne un coup de poing à la gueule là-bas. C'est toi qui te rebalance. Je peux mettre t'es content. Mais si t'es content, ils vont te faire casser la gueule l'autre fois pour pas que tu sois content. T'amènes tout avec nous. Ça, je m'en suis rendu compte. Ah, c'est ça. Faut toujours que ce soit eux autres qui aient raison. J'en fais tout. Quand tu réalises que tu as raison, là, t'as raison tout le temps. Ça va pas que tu penses que t'as raison. Non, si tu penses que t'as raison, ils disent pas que t'as pas raison à compte. Ah, c'est ça. Tu sais que t'as raison, mais pas que tu penses. Ouais. C'est sûr d'être sûr. Ouais. Ah, okay. C'est ça. Quand t'as raison, t'as pas besoin de penser que t'as raison. C'est dans l'action la raison. Et tout dans l'action la raison. Puis si tu penses que t'as raison, ils vont te demander une fois que t'as pas raison. Ils vont t'aplatir. Puis c'est comme ça que tu travailles sa personnalité. Bon, mais quand tu as. Mettons que tu projettes des choses avec quelqu'un d'autre, puis. T'es sûr que ça va arriver comme ça. Sinon, ça va arriver de même. Puis ça arrive comme tu dis. On a raison à ce temps-là. Ouais. C'est pas ça que tu veux dire? Ouais, mais là, c'est parce que tu te l'as donné raison. Un jour, ils te l'enlèveront. C'est ça que tu veux dire. Pas que tu sais dans le gars, tu l'avais dit, il avait raison. Moi, je me rappelle au début, à cause de ma fusion, j'ai le pouvoir de voyance. D'ailleurs, c'était arrivé dernièrement, justement, je parlais de ça à Gisèle, un ami aujourd'hui. Un ami qui était supposé à New York, qui a investi de l'argent d'une compagnie. J'ai dit, tu n'iras pas sans enfant. Faut que tu restes au Québec. Puis, les affaires avaient l'air bien allées. C'est un homme très riche. Puis, ouais. Là, j'ai rencontré sa femme après midi. Ça marche pas d'avoir. Ça vient de dire. Ils m'ont donné raison. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont donné raison? Pour établir un lien entre moi et cette personne-là. Qui comprenne plus. Puis qui comprenne plus. Ils m'ont pas donné raison pour me donner raison. Moi, ils m'ont vraiment donné raison à moi. C'est des chiens. Puis, ça me fâchait au début. Quand je disais, quand je parle à quelqu'un, je dis c'est ça. Faut que ça soit ça. Parce que si c'est pas ça, qu'est-ce que je fais? Éventuellement, j'ai décidé, bon, ben là, je vais fermer ma gueule. Des readings, là. Puis parler de la vie du monde dans 3 semaines, puis dans 2 ans, je le fais. Que quand je dis quelque chose à quelqu'un tout à l'heure, là, j'ai toujours une petite vibration. Je le dis, je joue-moi pas de cul. Parce que je réagis, puis éventuellement, je me referme. Les gens me demandent quelque chose, je te le dis pas. Donc, s'ils veulent que je le dise, puis j'ai décidé de plus le dire, ils peuvent plus servir de moi après ça pour canaliser l'information. Quand le travail est fait, il faut que ça passe, l'information, il faut que ça marche, mais il ne faut pas que ça serve à ton ego. Si t'es contente parce que t'as eu raison, ils vont te l'enlever à raison tout à l'heure. Ensuite, ils vont te l'abandonner, ils vont te l'enlever pour que t'en arrives à être neutre. Si là, je dis, si vous pensez que vous avez raison, ils vont vous l'enlever à raison tout à l'heure. J'avais raison, mais c'était pas mon avantage, pendant tout. Non, pas les avantages. Le fait que t'as raison, c'est déjà ton avantage. Mais tout ça. Ah oui. C'est déjà ton avantage. Pas la raison matérielle, la raison interne. Le fait que tu le sais, c'est un avantage au niveau de l'ego. L'ego te plaît toujours le savoir. D'avance. Quand la raison pourquoi est-ce que je parle de l'homme occulte et de la femme occulte, il y a un temps dans votre vie où, si vous avez un mari et vous avez une femme, vous avez un job, non. Ça va être essentiel pour vous d'avoir une harmonie totale parce que vous allez avoir besoin extrêmement de communiquer avec un être proche. Vous allez avoir besoin d'un être proche.